assis là, dans la tempête, les nuages bas, au-dessus de sa tête, je sais plus où je suis. Son cœur qui bat, sous mon manteau, sur son épaule, l'amour était chaud, je voudrais pouvoir trouver les mots. C'est le temps du jour où le soleil se lève, le temps de l'amour qui nous réveille. Je viens voir la nuit s'éteindre, le monde se lève. Assis là, à côté d'elle, les nuages bas, au-dessus de sa tête, je sais plus où je suis. Parti de loin, loin de l'orage, sorti d'un piège comme d'un étau, je voudrais voir le ciel d'un peu plus haut. D'elle, les nuages bas, au-dessus de sa tête, je sais maintenant où je suis.